Et vous, croyez-vous aux Arabes ? J'y crois absolument pas. Pour moi, c'est... c'est juste une blague pour moi, c'est... Enfin, y a rien de sérieux derrière ça. Oh, je pense pas quand même. Voilà, je sais pas, j'en pense pas grand chose en fait. Oh, c'est de la manipulation, c'est pas la vérité des Français, ça c'est sûr. Ça n'a rien de réaliste. Sincèrement, je n'y crois pas. Ce n'est pas intéressant pour le pays. Pour le pays. Moi j'y crois pas, donc pas spécialement. C'est la fouteuse. Je sais pas, non, j'y crois pas. Pensez-vous qu'il faut leur défoncer leur anus à ces connards ? Oh, non. Je ne sais pas trop. À voir. La conjoncture économique ? On s'en branle de la conjoncture économique. Je te parle des Arabes, petits gauchistes de mes couilles. Et oui. Oh non, je pense que c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Ils pensent tous proposer des mesures et puis au final... Rien ne change vraiment, quoi. Allez-vous voter François Hollande ? Oh, je pense pas, c'est quand même des partis extrêmes, donc je pense pas, non. C'est quand même des extrémistes, hein. Il faut quand même des gens modérés au pouvoir. Sur la conjoncture économique ? Putain, mais tu fais chier avec ta conjoncture de mes deux. Ferme ta gueule ou je t'encule. Je suis pas très branché politique, donc je pense pas grand-chose. Et sinon, ça va ta diarrhée ? Bon, écoutez, a priori, je sais pas, j'ai l'impression que c'est reparti, et... Voilà, ouais, encore. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.